Mais pendant des siècles, depuis Socrate jusqu'à aujourd'hui, on a une cagoule sur la tête, puis on se pose des questions. D'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, d'où est-ce qu'on s'en va? Puis les philosophes ont essayé de répondre ça. D'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, puis d'où est-ce qu'on s'en va? Puis c'est dur de répondre d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais ici, où est-ce que tu t'en vas quand tu as une cagoule sur la tête. Fait qu'aussitôt que tu viens pour répondre où est-ce que tu t'en vas, tu te cognes dans le mur. Aussitôt que tu viens pour essayer de comprendre ce que tu fais ici, tu t'aperçois qu'il fait noir. Puis aussitôt que tu retournes en arrière, puis tu essaies de comprendre d'où est-ce que tu reviens. Mais tu peux pas savoir d'où est-ce que tu viens parce que tu avais une cagoule sur la tête, tu es déjà dans le noir. Fait qu'automatiquement, tu es fourré de tous les côtés. Fait que la fameuse question philosophique est totalement elle devient un impondérable, puis elle devient réellement un élément nuisible à la constatation qu'on a intelligence. Parce que si t'étais réellement intelligent, là, si t'étais réellement intelligent, mais au lieu de t'occuper de la cagoule, puis au lieu de réaliser que la cagoule te crée une séparation entre toi et le monde extérieur, mais là, tu irais dans ta tête. Puis tu disais là, ben, qu'est-ce que c'est qui se passe, là? Je suis dans une cagoule, ici, là, il fait noir, et je peux pas répondre de ce que je viens, est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que je fais ici? As-tu une réponse? Là, il y aurait une petite voix qui viendrait, peut-être, elle serait peut-être petite au début, là, parce qu'il serait pas habitué, là. Il y a un petit gars qui disait, bon, reste là de même pour un certain temps, là, puis essaye de toffer le fait que tu es dans la cagoule, puis tu vois pas là, d'où ce que tu viens, que c'est que tu fais ça, d'où ce que tu t'en vas, puis tout à l'heure, on va te le dire. Fait que le gars, il reste dans sa cagoule pendant un an, 20 ans, 30 ans, 40 ans, la civilisation reste dans sa cagoule pendant 2000 ans, puis il y a un jour que la petite voix, elle arrive, puis elle dit, bon, mais ça, c'est une illusion de te demander d'où ce que tu viens, que c'est que tu fais là, d'où ce que tu t'en vas. Là, le gars, il dit, ben oui, mais c'est une illusion, ça ne doit pas être une illusion, puisque ça m'a fait. Puis là, la petite voix va dire, ça t'affecte parce que tu penses. Mais oui, le gars va dire, je pense, Chris, ça fait partie de moi de penser. Ah, mais là, la petite voix va dire, tu penses que tu penses. Ah, ben, je pense que je pense. Ah, là, il va commencer à sortir de la cagoule. La première chose, ah, je pense que je pense. Comment ça fait qu'il y a personne qui m'avait dit ça avant que je pensais? Mais non, mais c'était pas le temps, la petite voix va dire, c'était pas le temps qu'on te dise que tu penses, parce que c'était le temps, dans ce temps-là, que tu penses que, où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais ça, où tu t'en vas, c'est important. Puis là, vous dites, ah, mais sacrement, 2000 ans pour que quelqu'un me dise, la petite voix, que je pense. Ah, ben, parle-moi-en non plus. La petite voix va dire, oh, si je t'en parle plus, tu vas sauter, la cagoule va peut-être te brûler dans la face. Fait que là, comme on sait, nous autres, ça va te brûler dans la face, la cagoule, on va attendre, on va rester dans la semaine prochaine, je te parlerai. Dans deux mois, je t'expliquerai qu'est-ce qu'il y a après, tu penses que tu penses. Fait que là, t'attends, là, t'es dans la cagoule. Puis là, comme t'es dans la cagoule, puis t'es habitué à la cagoule, mais là, tu reviens un petit peu à ce que je viens, qu'est-ce que je fais ici, où c'est que je m'en vais. Mais là, c'est plutôt où c'est que je m'en vais qui t'intéresse que plus que je viens, puis qu'est-ce que je fais ici, parce que la petite voix qui est venue, là, la petite voix qui te dit, tu penses que tu penses, là, tu commences à regarder qu'est-ce que je m'en vais avec cette petite crise de voix-là. Fait que là, là, tu commences à polariser parce que t'as toute la mémoire dans ta tête. Fait que là, tu te demandes, là, je suis fou, peut-être je suis fou. Là, tu cognes sur la tête de l'autre gars, qui a une autre cagoule, tu dis, hey, je suis fou. Le gars, il dit, je sais pas, Chris, moi aussi, j'ai une cagoule, tu sais. Ça, c'est. Fait que, mais, t'as ta cagoule, puis tu tombes, tu cognes ta tête sur sa tête, puis le fait que tu cognes ta tête sur la tête de l'autre gars qui a une cagoule, ça te fait au moins savoir qu'il y a deux cagoules dans le coin. Fait que t'es safe, au moins, tu sais qu'il se passe quelque chose. Fait que là, tu dis, bon, ben, là, je suis ici. Au moins, je suis ici. Fait que là, tu sais que t'es pas illusoire, que t'es pas une illusion, que t'es pas mort, tu sais. T'as cogné quelque chose, puis il y avait une autre cagoule, t'es content, t'sais. Fait que, t'écoutes la petite voix, elle vient, elle voit un mois plus tard, puis quatre mois plus tard, puis là, elle devient un petit peu plus forte. Puis là, elle dit, hey, Jean-Paul, ah, Chris, tu connais mon nom? Non, non, on connaît tout, on connaît ton nom, on sait quelle année que t'es venu au monde, on sait même que c'est que tu faisais avant de venir sur la terre. Puis là, tu dis, ah, oh, je suis à Côte-Fort, moi, avant de venir sur la terre. Ben oui, Jean-Paul, j'étais à Côte-Fort avant de venir sur la terre. C'est parce qu'avec ton libre arbitre, tu pensais, puis on t'a coupé la mémoire quand t'es venu au monde, parce que si elle avait voulu que tu saches qu'avant de venir au monde, t'étais dans une autre incarnation en Afrique, t'étais un petit nègre, puis aujourd'hui, t'étais un vice-président de compagnie, tu t'as la honte. Fait que tu veux pas savoir que t'étais un petit nègre tout crotté en Afrique, au Congo. Fait qu'on te l'a pas dit. Quand t'es venu au monde, on t'a coupé la mémoire, Jean-Paul. Boum! Ah, mais là, tu dis, ouais, sacrément, c'est pour ça que j'ai pas de mémoire de tout ce que je viens. Fait que ça, tu commences à répondre de ce que je viens. Puis là, tu dis, bon, mais là, je peux te savoir de ce que je viens, parce que cette question-là, je vais les demander depuis Socrate. Puis tu dis, ben, on peut pas te le dire tout de suite, parce que si on commence à t'expliquer trop d'où ce que tu viens dans le temps, là, Jean-Paul, tu vas penser que tu commences à savoir des affaires, puis dans ta cagoule, là, tu vas faire bien des affaires, puis tu risques de faire de l'overtime. Fait qu'on on connaît tout ça, nous autres, on va attendre encore. Fait qu'au cours de l'évolution, au cours de l'évolution de l'homme, de l'individu, mais éventuellement, il s'aperçoit que le contact avec l'extérieur de la cagoule commence à se faire, puis un jour, la question du d'où ce qui vient, qu'est-ce que tu fais ça, d'où ce que tu t'en vas, elle n'existe plus. Fait que là, il est dans un autre état mental. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe plus? Parce que pendant tout ce temps-là, ils ont brûlé son cerveau. Fait quand on a brûlé son cerveau, la question n'existe plus, fait qu'à ce moment-là, il n'y a rien que des réponses. Fait quand l'homme commence à avoir rien que des réponses, il n'y a plus de questions, il commence à être intelligent. Ah, il a-t-il enlevé sa cagoule? À ce moment-là, il n'a plus de besoin de cagoule, il n'y en a plus. Mais il a-t-il enlevé la cagoule? Il est parti. Il est parti. Non. Avez-vous déjà pensé à la place des arts? La place des quoi? Des arts. La place des arts? Oui, ça se présente bien ce que vous avez. Ah! Bonhomme, oui. La cagoule de monde, là, ils l'ont très bien identifié, ils arrivent vraiment. On a effectivement surtout. Non? Vous autres, ce que vous dites, c'est la laine de la cagoule. Vous êtes conscient de la laine de la cagoule, elle vous frotte la peau, puis la survie psychologique, matérielle. Ça, c'est la laine de la cagoule. Moi, je parle de la forme de la cagoule, l'état de la cagoule, la substance de la cagoule. L'homme n'est pas conscient de la substance de la cagoule. Il vit simplement la laine de la cagoule. Puis un jour, quand il est rendu au niveau de la petite voix, il commence à rentrer dans la substance de la cagoule, puis la laine de la cagoule est moins importante. Mm-hmm. Puis quand tu rentres dans la substance de la cagoule, cette affaire-là, là, tu vas dire, les questions qu'on a, les questions psychologiques qu'on a, qui sont à la base même de la formation psychologique de notre moi, qui est à la base de la définition personnelle de notre être-té, qu'on appelle la personnalité, là, tu commences à relaxer un petit peu plus. Tu t'aperçois que, ouais, t'es pas si bête que ça. Tu commences à te percevoir que même si t'as pas de doctorat, puis l'autre cagoule à côté de neuf, t'es pas si bête que ça, parce que t'as ta petite voix qui commence à parler. Tu commences à t'habituer à ta petite voix. Tu commences à réaliser que, ouais, avant, tu pensais que tu pensais parce que ta petite voix, t'avais pas identifié. Là, tu t'identifies, elle dit, hey, Jean-Paul, comment ça va? Avant, si ta petite voix t'avait identifié, tu serais allé voir tout de suite le psychologue ou l'autre cagoule. Donc, à ce moment-là, là, tu commences à dealer avec cette voix-là, là. Puis c'est nouveau parce que c'est un gros chat à l'ego. Parce que quand tu commences à entendre parler de cette petite voix-là dans ta tête, là, tu commences à te poser des questions. Es-tu fou? Première question qui vient. Ça fait partie de la cagoule. Es-tu fou? J'entends des voix. Ou j'entends une voix. Puis là, ben là, tu commences à faire. Tu commences à faire de la stime en dedans. Tu dis, es-tu bonne la petite voix? En mémoire. Es-tu bonne la petite voix ou est pas bonne? Tout d'un coup, c'est pas une bonne petite voix. Je suis en contact avec l'astral ou je suis en contact avec mon double ou ma source ou whatever. Fait que là, tu te prends cours des ténards pendant un an, deux ans, trois ans. Puis un jour, ben, tu commences, si tu es capable de supporter le phénomène de ce contact-là avec les plans subtils, éventuellement, là, la polarité du bien ou du bon ou du mauvais ou de ta petite voix à brise, tu t'inquiètes plus. Si es-tu bonne ou est pas bonne? Puis graduellement, ben, tu deviens intelligent. La définition la plus valable pour le moment de ce que l'intelligence est, c'est la destruction totale de toute forme de polarité qui peut mettre l'homme dans un état de siège psychologique. Un état de siège, ouais. La polarité, ça met l'homme dans un état de siège psychologique. C'est terrible, la polarité. Parler des obsessions. Mais vraiment, toutes les polarités. L'obsession, la paranoïa, l'inquiétude, c'est toute la polarisation du mental à travers les émotions. Donc, une personne qui a réponse, par la petite voix, qui a réponse à tout devant n'importe quelle situation, est donc libérée, donc est dégagée. C'est pas tellement que tu as réponse à tout par la petite voix, c'est que tu es capable de comprendre quand est-ce que la petite voix essaie de te fourrer. Parce que la petite voix est attention, hein. Parce que si vous pensez une minute que c'est la petite voix qui va te saluer, vous avez une illusion. La petite voix, elle va essayer de vous fourrer jusqu'à temps que vous soyez plus capable. Quand tu es plus capable de te fourrer la petite voix, parce que si elle te fourre la petite voix, t'es fini, hein. Tu deviens dingue, tu t'en vas en grande bâtisse. C'est avec ça que les psychologues travaillent. Il y en a bien du monde qui ont des petites voix. Mm-hmm. Pas des autres, des intelligents. Mm-hmm. Mais si tu es capable de réaliser que la petite voix teste pour voir si tu es capable de la prendre d'une façon créatrice, c'est-à-dire pas la polariser, ben à ce moment-là, ben, là, tu deviens intelligent. Mais elle va tout essayer de te fourrer la petite voix. Parce que si elle te fourrait pas, tu te vois, puis qu'elle te donnait réellement de l'information de même, tu deviendrais réellement magicien, tu deviendrais réellement, tu pourras regarder n'importe quoi, tu connaîtrais les événements du monde, tu pourras même t'enrichir, tu iras aux courses, puis tu pourras t'enrichir. Fait que la petite voix, avant que la petite voix puisse te donner de l'information directe de même, tu vas être obligé de voir à travers son jeu. Puis ça fait partie de l'initiation solaire, ça fait partie de la transmutation de son mental. Fait que c'est pas une sécurité que l'homme ait accès à sa petite voix, mais c'est déjà un début de son évolution, que l'homme sache que ayant accès à sa petite voix, c'est le début de la réalisation qu'il pense qu'il pense. Mais l'accès à la petite voix, si elle nous polarise, dans quelle mesure on peut s'en sortir? C'est pas que la petite voix vous polarise, c'est que la petite voix La petite voix, quand elle passe, vous êtes déjà polarisé. Fait que c'est vous autres qui a polarisé. C'est nous autres qui polarisent. Ouais. Parce que la petite voix, elle va avoir tendance à te faire plaisir. Parce que le rayon du soleil, il passe à travers l'atmosphère. Fait que quand tu passes à travers l'atmosphère, mais il est varié. Fait que la petite voix n'est pas clean, n'est pas... Une déviation. Il y a de la réfraction, là. Puis c'est l'ego qui fait ça. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est très dangereux, le phénomène de la petite voix, puis c'est pour ça que c'est pas à conseiller que les gens essayent de jouer au jeu de la petite voix. Ce qui est important pour l'être humain, c'est de savoir que la petite voix va toujours essayer de te fourrer jusqu'à temps que tu voyes à travers. Quand tu vois à travers la petite voix, t'as plus de problème. Mm-hmm. T'es dans ton identité. Et c'est ça que l'homme connaîtra. Mais vous parlez du jeu de la petite voix. Si l'individu veut être conscient, est-ce qu'il doit laisser venir la conscience? Tu peux pas vouloir être conscient. Ça, c'est encore de l'ego. C'est un autre. C'est une forme de l'ego. L'homme, la seule chose que l'homme doit chercher sur la terre, c'est d'être bien dans sa peau. Être bien dans sa peau, ça demande déjà un état de conscience. Mais si l'homme va avoir la petite voix pour être conscient, c'est la même chose que l'homme qui va dire, bon, ben, je vais aller aux Indes faire du yoga pour pouvoir l'éviter. Ça, c'est chercher un truc pour un petit peu altérer le fait que ça devient plat. Mais est-ce qu'il y a des gens polarisés qui sont bien dans leur peau? Il y a des gens polarisés qui ont l'impression d'être bien dans leur peau jusqu'à temps que ça aille mal. Ouais. Mais on peut avoir l'illusion d'être bien assez longtemps? Ah, tu peux avoir l'illusion d'être bien très longtemps parce que ça fait partie de ton karma. Mais ça change pas le fait que tu es bien vite. Bon, entre un individu polarisé qui est bien pendant un certain temps. Puis un individu qui, en se conscientisant, se rend compte qu'il n'est pas bien dans sa cagoule, quelle est la meilleure position? Je ne poserai pas l'autre. Entre un individu qui est polarisé et qui est bien un certain temps, ça peut durer 30 ans, 40 ans, à cause de la consommation, et puis un individu conscient qui, dès qu'il prend conscience de sa cagoule, se rend compte qu'il n'est plus bien, absolument tout le temps. Oui, mais ça, c'est la fin d'évolution d'âme. Un homme qui n'est pas très évolué va pas être va fonctionner au niveau des sens. Puis, tandis qu'un homme qui est évolué, un homme qui fait une recherche intérieure, qui est un signe d'évolution, il va pas commencer à prendre conscience du phénomène de la cagoule. Okay. Mais ça, c'est la fin d'évolution. OK. Donc un jour ou l'autre, on est saturé, puis dans cette saturation. Un jour ou l'autre, au cours de l'évolution, l'homme va être obligé d'en arriver à prendre conscience. Que tu prennes pas conscience aujourd'hui que tu préfères être dans la drogue, puis d'être dans la musique, puis d'être dans un club, puis d'être dans la guidonnerie, puis d'être dans un gros char, puis d'être dans des sous blancs avec des cieux blancs, ça fait partie de ton expérience. Ça prend tout ça de monde par un monde, mais il y a du monde dans le monde qui font de la recherche. Ces gens-là, bon, ce sont des êtres plus avancés, puis ce sont ces êtres-là qui en arriveront éventuellement à comprendre le phénomène de la cagoule pour en arriver un jour à passer du plan astral au plan éthérique, pour que l'homme en arrive un jour à arrêter de mourir, il faut que ça arrête sur la mort sur le plan matériel. Ça veut pas dire arrêter de mourir dans le sens que l'homme va garder son corps physique indéfiniment, mais que l'homme un jour peut sortir de son corps physique, puis aller sur le plan éthérique au lieu de mourir, puis à vivre la mort de la pensée, parce que dans la mort, la pensée n'existe pas. Fait qu'un jour, l'homme conscient va en arriver à, quand tu vas arriver à un certain âge, il va lâcher son enveloppe, passer du plan éthérique, puis là, la conscience continue. La même conscience qu'il y avait ici, tu le mets dans une enveloppe beaucoup plus subtile, fait que la mort n'existe plus. C'est ça l'immortalité de la conscience. Fait que pour que l'homme en arrive à ça, mais faut qu'il soit suffisamment évolué au niveau de l'âme, faut qu'il fasse une certaine recherche, faut qu'il en arrive un jour à se retrouver. Puis ça fait partie de la conscientisation de l'homme. Il y a des gens qui vont dire, bon, ouais, moi je suis bien, là, je bois ma bière, puis je me promène en 747. Puis ça fait partie de son statut évolutif. Vous allez dire des fois, parce qu'on regarde à côté de nous autres, des fois on va dire, es-tu bien lui, hein? Il y a trois blondes, puis il y a une maîtresse, puis un gros char, puis il fait de l'argent, puis une bonne job, puis moins que je suis en dessous de la cagoule, puis j'essaie de comprendre comment ça marche. Mais ça, c'est parce que l'homme se compare. Si vous comparez au gars qui a pas l'impression, qui est pas conscient de la cagoule, puis qui est un gros char, puis que c'est toi qui donne, ça, vous avez un gros problème d'identité. Merci beaucoup, Bernard. On prend un arrêt de 20 minutes, et on revient.